Mais la causerie surtout amusait Frédéric. Son goût pour les voyages fut caressé par Dithmé, qui parla de l'Orient. Il assouvit sa curiosité des choses du théâtre en écoutant Rosenwald causer de l'opéra. Et l'existence atroce de la bohème lui parut drôle à travers la gaieté du sonnet, lequel narra, d'une manière pittoresque, comment il avait passé tout un hiver n'ayant pour nourriture que du fromage de Hollande. Puis, une discussion entre Levarias et Burieux sur l'école florentine lui révéla des chefs-d'œuvre, lui ouvrit des horizons. Il eut du mal à contenir son enthousiasme quand Pellerin s'écria « Laissez-moi tranquille avec votre hideuse réalité. Qu'est-ce que cela veut dire la réalité? Les uns voient noir, d'autres bleu, la multitude voit bête. Rien de moins naturel que Michel-Ange, rien de plus fort. Le souci de la vérité extérieure dénote la bassesse contemporaine. Et l'art deviendra, si l'on continue, je ne sais quelle rocambole, au-dessous de la religion comme poésie et de la politique comme intérêt. Vous n'arriverez pas à son but, oui, son but, qui est de nous causer une exaltation impersonnelle avec de petites œuvres, malgré toutes vos finasseries d'exécution. Voilà les tableaux de Bassolier, par exemple. C'est joli, coquet, propret et pas lourd. Ça peut se mettre dans la poche, se prendre en voyage. Les notaires achètent ça à 20 000 francs. Il y a pour 3 sous d'idées. Mais sans l'idée, rien de grand. Sans grandeur, pas de beau. L'Olympe est une montagne. Le plus crâne monument, ce sera toujours les pyramides. Mieux vaut l'exubérance que le goût. Le désert qu'un trottoir. Et un sauvage qu'un coiffeur. Frédéric, en écoutant ces choses, regardait Madame Arnoux. Elle tombait dans son esprit comme des métaux dans une fournaise, s'ajoutait à sa passion et faisait de l'amour. Il était assis 3 places au-dessous d'elle, sur le même côté. De temps à autre, elle se penchait un peu, en tournant la tête, pour adresser quelques mots à sa petite fille. Et, comme il souriait alors, une fossette se creusait dans sa joue, ce qui donnait à son visage un air de bonté plus délicate. Au moment des liqueurs, elle disparut. La conversation devint très libre. Monsieur Arnoux y brilla, et Frédéric fut étonné du cynisme de ces hommes. Cependant, leur préoccupation de la femme établissait entre eux et lui comme une égalité, qui le haussait dans sa propre estime.